Je dirais maintenant aux jeunes poètes qui désirent connaître la langue poétique et comprendre ce qui leur paraîtra obscur dans les poèmes, qu'ils doivent se servir de ce livre pour leur instruction et leur amusement. Il ne faut pas nier ces récits au point d'en faire disparaître les antiques figures poétiques employées par les scalds les plus célèbres. Mais les chrétiens n'y ajouteront foi que suivant le sens indiqué dans l'avant-propos. Les Turcs et les Asiatiques, qu'on appela les As, falsifièrent la narration des événements de la guerre de Troie afin de se faire passer pour des dieux. Priam était un grand roi de l'armée turque, et ses fils étaient les plus vaillants guerriers de son armée. Dans le palais de Priam existait une salle appelée Brinner, ou salle à boire. La longue narration faite par les As sur Ragnarökr a rapport au siège de Troie. On a raconté comment Hoctor s'est servi d'une tête de bœuf pour amorcer le serpent de Midgard, qui l'amena sur le bord du navire. Mais le serpent conserva la vie en plongeant dans la mer. C'est l'histoire d'Hector qui tua le guerrier Volucron en présence du vaillant Achille, qu'il voulut attirer en lui montrant la tête du vaincu. L'orgueil d'Achille l'ayant fait donner dans le piège, il ne trouva d'autre moyen de sortir d'embarras que de fuir, quoique blessé, les coups meurtriers d'Hector. Ce héros se battait, dit-on, avec une extrême valeur, et sa colère fut si grande lorsqu'il vit fuir Achille qu'elle tomba sur Rhodrus. Suivant les As, c'est Hoctor tuant le géant Hymer à la place du serpent de Midgard. À Ragnarökr, le serpent assaillit Thor inopinément, lança son venin sur lui, en devint son meurtrier. Mais les As ne voulurent pas convenir que Thor était mort ainsi et avait trouvé plus fort que lui. Ils prétendirent donc que le serpent de Midgard avait été tué également. Voici le fond sur lequel ils brodèrent. Achille, ayant tué Hector, fut tué au même endroit par Hélénus et Alexandre. Les As donnèrent à Hélénus le nom d'Alla. Ils disent qu'il vengea son frère et survécut aux dieux, au feu qui avait dévoré Asgard et toutes ses dépendances. Mais ils comparèrent Pyrrhus au loup Fenris. Celui-ci tua Odin. Et Pyrrhus pouvait bien être appelé un loup, puisqu'il n'épargna pas les saints asiles et tua le roi dans le temple, devant l'autel de Thor. Ce que les As appellent les flammes de Zurtur, c'est l'embrasement de Troie. Mod et Magne, les fils d'Octor, vinrent demander des terres à Hall, à Vidar. C'est Aîné qui s'échappe de Troie et fait ensuite beaucoup de grandes choses. Il est dit aussi que les fils d'Hector vinrent en Phrygie, qu'ils prirent possession de ce royaume et en chassèrent Hélénus.